إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdoulillah, on commence aujourd'hui le cours numéro 40 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha, avec le charh de Cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah. On est arrivé donc au cours 40 et on est arrivé au deuxième degré, al-Martabatu al-Thaniya, par rapport à, au degré de la religion de l'islam. Le premier degré, c'était Al-Islam. Le deuxième degré, c'est Al-Iman. Et le troisième degré, ce sera Al-Ihsan. Mais là, pour l'instant, on est rendu à Al-Iman. Donc, on veut savoir qu'est-ce que c'est la foi. Qu'est-ce que c'est la foi en Islam? C'est important de comprendre ce sujet-là, puisque c'est un des degrés de, des degrés de la religion. C'est donc fondamental de le comprendre. Et beaucoup de gens ont des problèmes dans la compréhension de la foi. Exactement. Barakallahu fik. Ça, c'est la définition de la foi selon Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Tu l'as bien compris, tu l'as bien mémorisé. C'est très très bien. Donc, le Cheikh, il explique, il dit Al-Martabatu al-Thaniya al-Iman. Wa Martabatu al-Iman, ici, wal-Iman, qad inqasama al-Nas fi haqiqatihi ila asnafin muta'addida. Donc toi, comme tu viens de le dire, comme tu viens de l'expliquer, la foi selon Ahl-Sunnati wal-Jama'a, c'est comme les ulama le disent en arabe, qawlun, qawlun bil-lisan, wa'atiqadun bil-janan, wa'amalun bil-arkan. Donc c'est les trois choses. C'est les trois choses que tu as mentionnées. Une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et les actions avec le corps. Et il y en a des ulama qui mentionnent, pour clarifier encore plus, yazidu bil bil bil a'mal wa yanqusu, yani yazidu bil a'mal as-saliha wa yanqusu bil ma'asi. Donc la foi, elle augmente avec les bonnes œuvres que tu fais, et quand tu fais des péchés, ta foi diminue. Donc c'est pas la foi, c'est pas quelque chose qui est statique, qui est immobile, qui est stable ou qui reste toujours fixe. Non, la foi, c'est quelque chose qui augmente et qui diminue selon les actions que tu fais. Hein? Plus tu adores Allah, plus que tu obéis à Allah, ta foi augmente, et plus tu fais des péchés, tu es insouciant, eh bien ta foi, elle diminue. Donc ça, c'est la position et la définition de la foi selon Ahl-Sunnah wal-Jama'a, et cette définition, elle est supportée par les textes du Coran et de la Sunna. Le Cheikh, il commence par expliquer que la foi, premièrement, les gens se sont divisés au sujet de la réalité de qu'est-ce que c'est dans l'islam. Alors, c'est-à-dire que dans l'islam, il y a des gens, il y a des groupes, il y a des individus qui ont dévié dans leur compréhension de ce qu'est la foi. Et ils ont ramené différentes définitions et compréhensions de ce qu'est la foi, la réalité de la foi. Donc parmi ces groupes-là, il y en a qui ont dévié parmi les sectes, et on va les énumérer tels que le Cheikh les a mentionnés. Donc, la première, c'est Al-Jahmiyya. As-sinfu al-awwal, Al-Jahmiyya. عرفوه بتعريف مرذول غير مقبول لأنه يتضمن دخول إبليس لعنه الله في جملة المؤمنين بأنه هو المعرفة بالقلب فقط وهذا تعريف غير صحيح بل هو باطل وفاسد كما سيأتي تعريفه الصحيح عند أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقا. Donc le cheikh, il commence à expliquer que les gens ont dévié à propos de la foi. La première secte, ou le premier groupe qui a dévié, c'est la secte des Jahmiyyah. La secte des Jahmiyyah. Et les Jahmiyyah, ils ont ramené une définition de la foi qui est totalement rejetée et fausse. Pourquoi elle est fausse et pourquoi elle a été rejetée en particulier? Parce qu'elle implique que Iblis, le diable, la'anahullah, serait lui aussi parmi ceux qui ont la foi. Donc, celui qui considère que l'Iblis est un croyant, donc c'est clair que c'est un égaré. Hein. C'est sûr que cette définition-là, elle est fausse. Et leur définition, c'est quoi? Leur définition, c'est de dire que la foi, c'est de connaître avec le cœur seulement. Donc, du moment que tu connais quelque chose avec ton cœur, pour eux, tu es un croyant. Ils pensent que la foi, c'est de la connaissance. Et on sait très bien qu'il y a une différence entre la foi et la connaissance. Puisque tu peux connaître quelque chose sans y croire. Hein? Quelqu'un, par exemple, peut connaître le christianisme. Ça ne veut pas dire qu'il croit au christianisme. Quelqu'un peut connaître le shirk, ça ne veut pas dire qu'il connaît le shirk. Donc si c'est le cas pour qu'est-ce qui est faux, eh bien, ça peut être la même chose pour qu'est-ce qui est vrai. C'est-à-dire que tu peux connaître l'islam sans y croire. Il y a plein de kuffars, des mushrikines, qui connaissent l'islam, mais qui ne sont pas croyants. Hein, et qui connaissent les noms et les attributs d'Allah, mais qui ne croient pas en les noms et les attributs d'Allah. Donc, la foi, c'est plus que la connaissance. Hein? C'est plus que la connaissance du cœur. Et il y a plein de preuves dans le Coran à ce sujet-là. Par exemple, Iblis, la'anahullah, eh ben, il connaît Allah. Il sait qui est Allah, puis il croit qu'il est en son existence. Le diable croit en l'existence de Dieu. Est-ce que le fait qu'il croit en l'existence de Dieu, ça fait de lui un croyant? Non. Puisque le fait de savoir que Dieu existe et de croire que Dieu existe, c'est pas suffisant pour être un croyant. Hein? Parce que si tu crois en Dieu, ça implique que tu dois te soumettre à Dieu et que tu dois lui obéir à à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu dis je crois en Dieu, mais que tu désobéis à ses ordres, et que tu désobéis à ses messagers, et que tu t'enfles d'orgueil vis-à-vis de lui, et vis-à-vis de ses ordres, et vis-à-vis de ses livres, de ses messagers, donc tu n'es pas un croyant. Donc ça c'est des exemples, tu vois. Et ça c'est une définition qui est incorrecte, et elle est fausse et corrompue, et on va plus tard donner la définition d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, et on va la clarifier. Comment les savants ont compris les savants d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, comment ils ont compris la foi dans le passé et actuellement. Ensuite, le deuxième exemple de secte qui a dévié par rapport à la foi, c'est l'exemple de ceux qu'on appelle Al-Karramiyya. Al-Karramiyya. Il dit عرفته فرقة ثانية من فرق الابتداع وهم الكرامية فقالوا إن الإيمان هو النطق باللسان فقط أي عندهم إذا قال الإنسان بلسانه آمنت بالله أو شهد الشهادتين فهو مؤمن ولو لم يعمل الأعمال التي فرضها الله وأوجبها عليه ولم يتجنب المحرمات التي حرمها الله عليه بدون عذر له في ذلك فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان وهذا تعريف فاسد لأنه يتضمن دخول المنافقين في جملة المؤمنين وهم في الدرك الأسفل من النار. Donc le cheikh il explique que la secte parmi les sectes de bid'a qui a dévié aussi au sujet de la foi, c'est la secte qu'on appelle Al-Karramiyya. Al-Karramiyya, et on les appelle Karramiyya parce que c'est les gens qui suivent Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Karram Al-Sijistani Al-Mubtadi'. D'accord? Il venait de la ville de Sijistan et c'était un innovateur. Issa ibn Karram. Son nom c'était Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Karram Al-Sijistani. Donc il vient de la ville de Sijistan et c'était un des innovateurs de la. Sijistan c'est en Iran, dans le coin de l'Iran là, et l'Afghanistan, de cette région là. Ok, le cheikh il dit فشيخ الكرامية ومصنف كتبهم لهم ضلالات كثيرة. Donc ils ont, cette secte là, ils ont beaucoup de d'égarements, ils ont beaucoup d'égarements, et parmi ces égarements il dit منها قولهم الإيمان هو القول باللسان دون المعرفة بالقلب. فمن نطق بلسانه ولم يعترف بقلبه فهو مؤمن وزعموا أن المنافقين كانوا مؤمنين بالحقيقة وهذا خلاف قول الله تعالى إذ يقول وقوله الحق إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Donc c'est ça, ces gens-là ils ont plusieurs fausses croyances. Parmi leurs fausses croyances, ils ont l'idée que la foi c'est uniquement ce que tu dis avec ta langue et non pas ce qui est dans ton cœur. Donc, pour eux, si tu dis je crois en Dieu et je témoigne des deux témoignages, c'est-à-dire tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alors pour eux tu es un croyant même si tu ne fais aucune action de ce que Allah a ordonné et de ce que Allah a rendu obligatoire, et même si tu ne t'écartes d'aucune chose de ce que Allah a interdit parmi les choses haram. Même si tu n'as pas d'excuse pour dans ces choses-là, si parfois il y aurait une excuse valable pour l'avoir fait dans certaines circonstances peut-être, mais ces gens-là ils considèrent que de t'écarter des péchés c'est pas quelque chose qui fait partie de la foi. Quelqu'un peut faire tous les péchés du monde et ne rien faire de ce que Allah a ordonné et être quand même parfait dans sa foi et complet dans sa foi. Et ça, c'est une définition qui est complètement corrompue et fausse, et elle implique même que les hypocrites feraient partie du nombre des croyants. Alors que Allah dit à leur sujet qu'ils sont les plus dans les niveaux les plus bas de l'enfer. Donc s'ils sont dans les niveaux les plus bas de l'enfer, eh bien ils ne sont pas croyants. Les hypocrites sont disent avec leur langue qu'ils croient en Allah, mais en réalité dans leur cœur ils n'y croient pas, ils sont des ennemis de la foi, ils détestent l'islam. Donc c'est pas des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement dans le Coran l'exemple des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate qui s'appelle justement la sourate des hypocrites, des munafiqoun, le verset 1 et 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et lorsque te viennent les hypocrites, ils disent nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Allah sait certes que tu es son messager, et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Ils prennent leur foi, ou plutôt leur serment, leur témoignage, comme un bouclier pour obstruer le sentier d'Allah. Et comme est mauvais ce qu'ils font. Donc ça, c'est pour comprendre que ces gens-là, ils pensent que si tu dis avec ta bouche, oui, je suis croyant, je dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça y est, t'es croyant, même si dans ton cœur, tu crois pas. Et ça, c'est le contraire de de l'hypocrite. Yani, c'est en fait, c'est pour dire, comme pour eux, que l'hypocrite, pour eux, c'est un croyant. Yani, c'est totalement faux. Un autre exemple aussi d'égarement dans la foi, c'est la déviation des Mu'tazila et des Khawarij. Les Mu'tazila et les Khawarij ont dévié dans la définition de la foi. Ils ont dit, comme le cheikh l'explique, قالوا بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ولكن لا يزيد ولا ينقص ولكن لا يزيد ولا ينقص. C'est-à-dire que les Khawarij, ils ont une définition qui ressemble à la définition d'Ahle Sunnah et Al-Jama'a, puisqu'ils reconnaissent les trois exemples qu'on a mentionnés. Mais ils ne rajoutent pas l'exemple que j'ai mentionné à la fin. Hein? Ils ne croient pas en la dernière partie. C'est-à-dire, ils disent que la croyance, ou la foi, selon eux, c'est une parole de la langue, c'est-à-dire une parole que tu dis avec la langue, une croyance avec le cœur, et des actions que tu fais avec le corps. Donc, jusqu'à là, jusqu'ici, c'est en accord avec la définition d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. On est d'accord? Jusqu'à ici, c'est la même définition. Il n'y a pas de différence. Ils disent une parole avec la langue, on dit aussi une parole avec la langue. Ils disent une croyance avec le cœur, nous aussi on dit une croyance avec le cœur. Et ils disent une action avec le corps, et nous aussi on dit une action avec le corps. Et que ces trois choses-là, ça, c'est la définition de la foi. On est tous d'accord. Sauf que là, il y a un problème ici, et c'est là qu'on se sépare, c'est lorsqu'ils disent « Walakin la yazid wa la yankus ». C'est-à-dire que pour eux, la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. La foi, pour eux, c'est un tout. C'est une chose, yani, disons, totale, complète. Si tu en perds, si ça diminue, tu la perds au complet. Et si elle augmente, eh bien, tu la perds au complet dans le sens que ça veut dire que tu ne l'avais pas. C'est ça. C'est soit 1 ou 0, comme tu dis. Soit tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu ne peux pas avoir plus ou moins. Ça n'augmente pas, ça ne diminue pas. D'accord? Donc, si tu ne pratiques pas les actions, ou si tu fais des péchés, tu deviens mécréant. C'est ça la position des Khawarij et des Mu'tazila. C'est pour ça qu'ils considèrent que les grands péchés te font sortir de l'islam et que tu deviens mécréant et que ton sang et tes biens deviennent halal pour eux. Ils ont le droit de te tuer, ils ont le droit de prendre tout ce qui t'appartient, même de marier ta femme, parce que pour eux tu deviens un apostat, tu deviens un mécréant. C'est ça les Khawarij. Hein? Et les Mu'tazila, bon, eux ils disent dans cette vie d'ici-bas, tu vas pas être un croyant, tu vas pas être un mécréant. T'es ni croyant ni mécréant. Ça c'est une bid'a qu'ils ont inventée. La bid'a qu'ils appellent al-manzila bin al-manzilatayn. T'es pas mécréant, t'es pas croyant. Dans cette vie. C'est ça. C'est comme, disons, t'es ni un ni l'autre. T'es rien, en fait. Mais dans l'au-delà, t'es dans l'enfer pour l'éternité. Donc, ils rejoignent la position des Khawarij pour qu'est-ce qui t'arrive dans l'au-delà. Hein? Ensuite, il dit, le Cheikh, il dit, وهذا التعريف وإن كان قد وإن كان كاد أن يقرب من تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان إلا أنه أيضا تعريف ناقص ومن ثم لا يعتبر ولا يؤخذ به لفساده ومخالفته لمذهب أهل السنة والجماعة. Donc le Cheikh Zayd al-Hafizahullah, il dit, cette définition, même si elle est proche de la définition d'Ahl Sunnah dans la définition de la foi, mais elle n'est pas complète. Elle est incomplète. Et donc, à cause de ça, elle n'est pas considérée et on ne la prend pas à cause du fait qu'elle est corrompue et elle est en contradiction avec la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a et des Salaf al-Salih. D'accord? Il dit, ou un autre exemple de secte, وعرفه بعضهم بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وفصلوا عنه العمل وهذا التعريف لا شك في بطلانه لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. Donc il y a une autre secte qui est la secte des Murji'a. La secte des Murji'a. Et cette secte, eux, hein, ils disent que la foi c'est quoi? Une parole avec la langue et une croyance avec le cœur. Mais pour eux, les actions ne font pas partie de la foi. Les actions ne font pas partie de la foi. Et ils disent que la foi c'est juste une parole de la langue et une croyance du cœur. Et c'est tout. Ils sont d'accord avec les deux premiers. La langue et le cœur, ils l'acceptent. Mais les actions du corps, ça ne fait pas partie de la foi pour eux. Donc ça veut dire que ils rejoignent un peu les Khawarij. Parce que je vais vous montrer de quelle façon. C'est que les Murji'a, ils disent que la foi c'est une parole avec la langue et une croyance du cœur. Mais pour eux, les actions du corps ne font pas partie de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, hein, peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, ça diminue pas ta foi. Et peu importe qu'est-ce que tu fais comme bonne action, non plus ça fait pas augmenter ta foi. Pour eux, la foi elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, comme les Khawarij. Mais eux, à l'opposé des Khawarij, ils disent que si tu as la foi, tu ne peux pas la perdre. Elle ne peut pas diminuer. Et que tu restes toujours croyant. Et que ta foi est toujours complète. Tandis que les Khawarij, eux, ils disent si tu fais un péché, tu perds ta foi. Mais les Murji'a, eux, ils disent non. Si tu fais un péché, ça ne touche pas à ta foi. Ta foi reste complète. Même si tu fais le péché. Donc ces deux extrêmes, la position des... C'est ça. Exactement. Exactement. Donc, exactement. Tout le temps. Et c'est ça. Donc ça, c'est les deux extrêmes. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre les Khawarij et les Murji'a. Et... les deux en même temps, les deux en réalité sont une seule et même, dans le sens qu'ils se rejoignent. C'est pour ça qu'il y a des imams parmi les imams des salafs ont dit que les Murji'a ce sont les Khawarij. Les vrais Murji'a en réalité sont les Khawarij, parce que c'est eux qui disent que la foi elle n'augmente pas, elle diminue pas. C'est-à-dire que les actions que tu fais ça n'affecte pas ta foi. Et ça, tu le constates chez les Khawarij même aujourd'hui. Du moment que tu es avec eux, peu importe quel péché tu fais, ça ne dérange pas. Parce que tu es d'accord avec eux. Et ils vont te défendre et te supporter, même si tu dis des paroles de kufr. Regarde par exemple, je vous donne juste un exemple. Parmi les exemples des Khawarij djihadis, hein, qui vont par exemple se mélanger avec les koufars et boire de l'alcool, manger du porc et faire tout comme eux pour par la suite dire non, on fait pas ça pour un péché, on fait ça pour se mélanger à l'ennemi et pour qu'ils nous pensent que pour qu'ils pensent qu'on est comme eux pour pouvoir par la suite les attaquer ou des choses comme ça. Et quand tu leur dis, mais mon frère, ça c'est haram, qu'est-ce que tu fais? Ils disent, non, ça fait partie des ruses. Ça fait partie des ruses militaires ou des ruses de guerre. Ils sont même pas en guerre. C'est-à-dire que tu l'as, mais que. C'est-à-dire, selon eux, ils vont considérer que. C'est-à-dire, ils vont pas voir la contradiction, malgré que nous on la voit, parce que nous on voit les preuves des textes du Coran et de la Sunna, puis on les met ensemble. Et on les met en harmonie, donc on voit la contradiction. Mais pour eux, non. Pourquoi? Parce qu'ils sont justement dans la passion, dans l'égarement. Donc eux, par exemple, ils vont faire plein de péchés, ou bien ils vont avoir des prêcheurs parmi eux, comme par exemple, je vous donne l'exemple des Ikhwan, juste pour vous donner l'exemple des Ikhwan. C'est des gens qui sont toujours en train d'accuser les salafis d'être des Murji'a, puis les ulama d'être des Murji'a. Il parle de Cheikh Al-Albani, il parle de Cheikh Ibn Baz, il parle de Cheikh Ibn Uthaymeen, et ils disent, eux c'est des Murji'a parce qu'ils ne font pas le takfir des dirigeants. Et ils ne font pas le takfir des gouvernements musulmans ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des exemples hein, de ces gens-là parmi les Khawarij. Puis, par la suite, eux, parmi leurs prêcheurs, ils en ont qui défendent des croyances de Wahdatul Wujud, qui insultent les Sahaba, qui insultent les prophètes. Ils ne disent rien. Ce n'est pas grave, comme Sayyid Qutb. Hein? Il y en a parmi eux, par exemple, qui vont dire le pape, c'est un prêcheur de la vérité, on demande la miséricorde d'Allah pour lui, quand il meurt, c'est pas grave, il dit les juifs et les chrétiens c'est nos frères, hein. Mais tu leur mentionnes ça, tu leur dis mais ça c'est des paroles de kouf, hein. Ils disent mais non, parce que c'est un des ikhwan, donc quand il est avec nous, il a le droit de dire ça, hein. Hassan al-Turabi, au Soudan. La même chose. Il a dit que les chrétiens, c'est nos frères. Il disait même qu'on devait construire des églises et des mosquées ensemble, faire imprimer la Bible et le Coran et la Torah dans un seul couvercle pour les mettre ensemble. Il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des erreurs dans la religion, je ne sais pas quoi. En tout cas, quand il y a toutes sortes de paroles, de paroles graves, des paroles de kufr, que des ulama l'ont réfuté quand il a dit des choses comme ça. Et quand ils ont établi, comme quand ils ont gagné les élections au Soudan, ils ont dit qu'ils allaient établir un État islamique. Parce que les Ikhwan, c'est ça qu'ils font. Ils disent toujours qu'ils veulent des États islamiques. Quand il a établi un État, quand il a gagné les élections, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fermé. Il y en a parmi eux qui ont voulu fermer une usine d'alcool. Lui, il est venu, il a dit non, ouvrez l'usine d'alcool. Il faut pas la fermer parce que on peut pas appliquer la charia avant d'avoir réformé la société. Donc, Cheikh Mohamed Aman, quand il a mentionné des exemples comme ça, il a dit, mais avec quoi vous allez réformer la société si c'est pas avec la charia? Et avec l'application de la charia. Parce que c'est la charia qui réforme la société, c'est pas quelque chose d'autre qui va la réformer pour que par la suite on puisse l'appliquer. Hein? Donc ça veut dire que dans ce cas-là, ils vont jamais l'appliquer, la charia. Parce que c'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est d'avoir juste le pouvoir. Et la première fois qu'ils ont pris le pouvoir là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité les Rafidah à venir dans le pays, les Shia Rafidah de l'Iran. Ils ont invité. Comme Morsi, qu'est-ce qu'il a fait en Égypte quand il a pris le pouvoir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Première chose, établir les relations avec l'Iran, faire venir les Rafidah. Maintenant, il commence à avoir des Rafidah maintenant en Égypte, qui commencent à propager leur da'wa en liberté. Donc ça c'est pour vous montrer comme l'exemple de ces gens-là qui disent hein, qu'ils sont des gens qui défendent la charia, qui veulent appliquer la charia. Ils disent qu'on est des murji'a parce qu'on ne fait pas de takfir des dirigeants. Puis eux de leur côté, quand leurs membres et leurs prêcheurs et leurs théoriciens et leurs chefs disent des paroles de kufr, disent des paroles de shirk, même parmi eux il y en a qui ont fait du shirk hein, comme l'exemple de Hassan al-Banna et ceux qui l'ont suivi par la suite quand ils allaient dans les tombes chercher la baraka des morts, ils encourageaient les gens à faire des bid'ahs, à célébrer le maulid. Hein. Il a participé à une fête dans la tombe de Zainab. C'est ce qu'ils appellent, ils disent que c'était la fête de Sainte Zainab. De la Sainte Zainab, oui. Et donc, à cette occasion-là, ils ont fait une fête de Maulid Nabawi, puis Hassan al-Banna il était là avec les autres, et puis il a fait son discours, puis il a parlé, puis et ainsi de suite. Ils disaient dans leurs poèmes qu'ils récitaient lorsqu'ils faisaient les hadra, comme les soufis, quand ils dansent et ils chantent là, et ils font la fête du professeur sallam, ils font qu'est-ce qu'ils appellent le hadra, et ils récitent des paroles, il y a du shirk dedans, hein. Donc ils disent le prophète, il nous pardonne hein, nos péchés, ainsi de suite. Donc des choses comme ça. Allez, ça c'est des exemples de shirk. Mais ça c'est pas grave. Et allez, ils restent toujours corrects, toujours croyants. Mais le dirigeant, fait des péchés, il fait de l'injustice, lui il devient kafir. Hein, ils le font sortir de l'islam. Donc, Allah musta'an, eux, ça a l'air qu'eux, ils sont immunisés. Ben oui, c'est pour ça. Cheikh Rabi, il a écrit un texte, il a mentionné, il a dit, ces gens-là qui se disent, en fait, qu'ils défendent l'islam, puis la charia, puis tout ça, ce sont les Ikhwan, eh bien, ils nous accusent d'être des Murji'a, alors que ce sont eux, les vrais Murji'a. Et il y a des salafs qui ont dit ça. Ça, c'est des paroles qui ont été dites par des imams parmi les salafs. Après, le cheikh, il explique, il dit وَعَرَّفَهُ أَهْلُ السُنَّةِ السَّلَفُ وَأَتْبَاعُهُمْ أو السَّلَفُ وَأَتْبَاعِهِمْ بِأَنَّهُ نُطْقٌ بِاللِّسَانِ واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وهذا هو الحق فأولئك الذين هدى الله فقل بقولهم والتزم بمنهجهم فإن معهم الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة. Donc il dit le cheikh que la définition qui a été donnée par les gens d'Ahlus Sunnah, les salaf et ceux qui les ont suivis, c'est que la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et les actions avec le corps. Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Et c'est ça la voie de vérité par rapport à la foi. Et ceux-là sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés. Alors dis la même chose qu'eux et suis leur méthode et leur voie, hein, parce que c'est avec eux que sont les preuves authentiques et explicites du Coran et de la Sunna. Le cheikh il va mentionner maintenant les preuves dans le Coran et dans la Sunna, ou quelques preuves à ce sujet là. Le cheikh il dit كما في قول الله في وصف أهل الإيمان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les croyants dans le Coran en disant que ce sont ceux, hein, qui, bon, déjà le verset, yani, au complet, si tu le lis au début, Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Donc c'est ce verset-là. C'est-à-dire les croyants sont uniquement ceux qui, lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite nos versets, eh bien, cela augmente leur foi. Cela fait augmenter leur foi. Et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Ça, c'est la définition de les gens, ou la description des gens qui ont la foi. C'est-à-dire que lorsqu'ils récitent les versets d'Allah, ça fait partie de la foi, cela fait augmenter leur foi, c'est la preuve que la foi elle augmente, et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Et at-tawakkul, c'est une des actions du cœur. Le fait de mettre ta confiance en Allah, c'est une des actions du cœur. Donc c'est la preuve que le fait de réciter les versets, c'est quelque chose qui est fait par la langue. Ça c'est une des preuves. Et زادتهم إيمانا, la preuve que la foi augmente. Et وعلى ربهم يتوكلون, التوكل c'est avec le cœur, hein, et ça se manifeste par les actions du corps aussi. التلاوة, le fait de réciter le Coran, c'est une parole et c'est une action aussi. Et dans le verset juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Et juste après, الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. C'est-à-dire ceux qui établissent la salat et qui donnent de ce que nous leur avons donné, qui dépensent de ce que nous leur avons donné. Donc ça veut dire que d'établir la salat, c'est une action du corps, hein, et une action de la langue, une action du cœur aussi, tout ça réuni, et ils donnent de leur, des biens que Allah leur donnait, ça c'est une action du corps hein, aussi. Et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا. Ceux-là sont les vrais croyants. Tu vois? Donc ça c'est pour dire que yani, toutes ces choses-là, ça comprend la foi. Puis on a le verset de, la, la partie du verset qui dit زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Leur foi augmente. C'est la preuve que plus tu fais des bonnes œuvres, plus ta foi augmente. Hein? Et l'autre verset que le cheikh il mentionne, c'est le verset 17 dans sourate Muhammad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ou bien il dit premièrement, wa kama fi qawlihi azza wa jal, walladhina ihtadaw zadahum huda wa ataahum taqwahum. C'est-à-dire, ceux qui ont été guidés, Allah augmente leur guidance et leur donne leur piété. Hein? Donc, c'est la preuve que celui qui est guidé, il augmente en guidance. Ils ont augmenté en guidance, c'est-à-dire ils ont augmenté en, en bonnes œuvres, et en action, et en foi. Tout ça, c'est relié. Et il y a plein d'autres preuves qui prouvent que la foi, elle augmente et qu'elle diminue. Parmi les exemples qui prouvent que la foi, elle augmente et qu'elle diminue aussi, c'est le verset, le hadith suivant que le cheikh a mentionné. « Wa kam laha min nazair » كلها تدل على زيادة الإيمان بالطاعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان الإيمان بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن إلى آخر الحديث الذي يدل على أن الإيمان ينقص بارتكاب المعاصي واجتراح السيئات. Donc le cheikh il dit qu'il y a beaucoup d'autres preuves qui montrent que la foi elle peut augmenter avec les bonnes œuvres, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné également dans des hadiths le fait que la foi elle peut diminuer. Et il mentionne le hadith qui dit que celui qui fait le zina, au moment où il commet le zina, il n'est pas croyant. Et celui qui vole, au moment où il vole, il n'est pas croyant. Et celui qui boit de l'alcool, au moment où il boit de l'alcool, il n'est pas croyant. Donc ça, c'est des exemples de la preuve que la foi, elle diminue. Et il y a aussi le hadith qui dit, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « An-nisa naqisatu aqlin wa din ». Naqisatu aqlin wa din, c'est-à-dire, les femmes sont déficientes, ou sont inférieures, ou déficientes, incomplètes, en foi et en religion et en raison. En raison et en religion. Et ça, c'est la preuve que la foi, elle diminue. La foi, elle diminue. Puisque lorsque les femmes ont demandé quelle est leur déficience dans la raison, quelle est leur déficience dans la foi, et le prophète Samson m'a expliqué, il a dit, n'est-ce pas que lorsque la femme témoigne, il faut que ce soit deux femmes qui témoignent pour un homme? Elles ont dit oui. Et il a dit, n'est-ce pas que la femme, quand elle a ses périodes de menstruation ou de règles, elle doit pas prier, elle doit pas jeûner? Et ils ont dit oui, certes. Donc ça, c'est la preuve de la faiblesse ou de la déficience de leur religion, qu'elles sont pas complètes dans leur religion, elles sont pas complètes dans leur raison comme l'homme. Non, non, non, c'est pas seulement dans la religion, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fil aql, hein, nuqsanu aql wa din, naqisatu aqlin wa din. Donc elles sont déficientes en raison et en religion. D'accord? Et donc le fait qu'elles soient déficientes sur plusieurs plans, c'est yani, les exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné dans ce hadith-là. Et ça veut pas dire que certaines femmes peuvent pas être ça veut pas dire que les femmes sont pas intelligentes ou que certaines femmes peuvent pas être plus intelligentes que certains hommes ou plus religieuses que certains hommes, mais c'est de façon générale hein? Mais elles sont d'une certaine façon défavorisées par rapport à l'homme ou déficientes par rapport à l'homme dans ces aspects là puisqu'elles ont ces réalité là, de la façon dont Allah les a créés. Et c'est pas pour les blâmer, mais c'est juste pour faire comprendre en même temps leur réalité, hein, une réalité, puis en même temps pour que on puisse avoir justement plus de miséricorde envers elles, hein, et plus de compassion envers elles, hein. Donc ça c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire nuqsan, ça peut vouloir dire comme qu'est-ce qui est diminué, incomplet. Un naqs, c'est un manque, c'est une déficience, c'est quelque chose qui est pas complet, qui est pas parfait. C'est-à-dire dans fil aql wa din, dans la raison et la religion. Donc ça c'est le hadith. Ça c'est le hadith que les féministes détestent. Hein? Quand les féministes musulmanes entendent ce hadith-là, elles commencent à s'arracher les cheveux là. Elles crient. Et il y en a même qui vont rejeter le hadith et vont dire non, on ne croit pas à ce hadith-là. Et il y en a parmi les ikhwan qui ont essayé de le déformer pour essayer de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ça pour plaisanter. On dit, ah, mais non, le professeur Sassam, il plaisante quand il dit ça, il disait pas ça pour vrai. Hein, il veut plaisanter avec les femmes quand il dit ça. Et, il y a qui a dit ça? Je m'en rappelle plus c'était qui, mais je sais que un d'entre ceux qui ont dit ce genre de choses, c'était, l'autre là. Celui qui a la grosse moustache, j'oublie tout le temps. Pas de barbe, il a la grosse moustache. Non. Amr Khalid, la grosse moustache. Donc c'est ça. C'est lui qui a dit ça, ce genre de paroles. Et il y en a d'autres qui l'ont dit aussi. La chose grave dans ça, c'est d'essayer de faire croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire des paroles pour plaisanter, mais il ment. C'est comme s'ils sont en train de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menti pour faire rire les gens. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait plaisanter avec les femmes, mais il leur a dit un mensonge pour les faire rire. Alors qu'on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans des hadiths authentiques, hein, il y a un malheur à celui qui raconte un mensonge pour faire rire les gens. Et il a dit aux gens, oui, parfois je fais des plaisanteries, mais je dis toujours la vérité. C'est-à-dire que, même s'il va dire quelque chose qui est drôle pour faire rire, mais il dit la vérité quand il fait rire. Hein? Donc c'est pour dire, une fois il a dit à une femme qui lui a demandé, ô messager d'Allah, est-ce que je vais rentrer au paradis? Il lui a dit non, parce que c'était une vieille. Et là la femme elle était triste, et il lui a dit non, parce que les vieilles femmes elles n'entrent pas au paradis. Parce qu'au paradis, toutes les femmes sont jeunes, hein? Toutes les femmes sont 33 ans. Donc quand, là elle a souri, mais c'est pour dire, le prophète sallam peut faire une plaisanterie, mais il ne va pas mentir. Donc quand il a dit que les femmes sont déficientes en raison ou en religion, il l'a dit peut-être, si eux ils prétendent qu'il l'a dit en plaisantant, mais il n'a pas dit ça, c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Hein? Exactement. Non. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La a'arifu min naqisatu aqlin wa dinin adhabu li lubbir rajul al-hazimi min ihdakunna » C'est-à-dire, j'ai jamais vu de plus faible en raison et en religion que l'une d'entre vous est plus capable de faire perdre à l'homme ferme et stable sa raison que l'une d'entre vous. Il n'était pas en train de plaisanter quand il a dit ça, il était fâché. Hein? Et pourquoi qu'il lui a dit ça? Parce qu'il a dit ça, je pense même c'est à l'époque, c'est quand le prophète sallam avait demandé aux gens de faire prier Abu Bakr. C'était au moment où il allait mourir, sallallahu alayhi wa sallam, il était malade. Et lui, il ne pouvait pas aller faire diriger la prière. Alors il a dit, ordonnez à Abu Bakr pour qu'il dirige la prière. Et Aïcha radiallahu anha, à chaque fois, elle disait, ô messager d'Allah, Abu Bakr, il ne peut pas diriger la prière parce qu'il a un cœur doux et il pleure et on ne peut rien entendre. Quand il récite le Coran, il pleure trop. Demande à Omar de diriger la prière. Alors le prophète, il a insisté, il a dit non, ordonnez Abu Bakr. Et là Aïcha, elle a dit oui, mais Abu Bakr il pleure trop, on n'entend pas. Et elle a insisté, elle a dit ordonnez Abu Bakr. Et là après, quand elle a insisté, c'est là qu'il lui a dit cette parole là hein? Donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est dans un des exemples qu'il a dit cette parole, puis il a dit l'autre parole aussi dans un autre contexte aussi où et là il y a une femme qui lui a demandé quelle est la faiblesse de sa raison, quelle est la faiblesse de sa religion, et là il a expliqué. Mais il a expliqué, il a dit la faiblesse de sa religion, c'est que elle quand elle a ses règles, elle fait pas la prière, elle fait pas le jeûne. Tu penses que la foi de la femme au moment où elle a ses règles, elle peut pas prier pendant 6-7 jours hein? Et elle peut pas faire le jeûne, tu penses que ça n'a aucun effet sur sa foi? Mais en d'autres termes, si elle atteint la ménopause, est-ce que pour autant sa foi est... c'est probablement pour ça, peut-être que aussi au moment de la ménopause que la femme devient plus forte dans sa foi hein? Parce que là elle prend de l'âge aussi. Donc c'est ça. Mais yani, c'est pour dire que même donc pour dire que la femme, à cause de ces raisons-là, elle a une déficience dans sa foi. C'est clair. Et moi, il y a beaucoup de femmes qui me l'ont dit. Elle est dans ma famille, des proches, qui ont dit que lorsque elles ont leur période, leur foi elle descend. Elle n'est pas au même niveau que lorsque elles peuvent faire la salade 5 fois par jour et faire le ramadan, surtout dans le mois de ramadan. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas toucher au Coran, mais elles peuvent le réciter. Elles peuvent le réciter, puis le lire, mais sans y toucher. Hein? Non, donc ça c'est des exemples pour dire que la foi, avec ça augmente et ça diminue, selon les actions. Exactement, exactement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il donne de ses faveurs à qui il veut. Hein? Il y a un homme, par exemple, il est né dans une famille de savants. Son père et son grand-père sont des savants de l'islam, c'est des hommes pieux, ils sont sur la sunna. Un autre, il est né dans une famille déviée. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sagesse. Mais des fois, on arrive à la connaître, cette sagesse, et des fois, on n'arrive pas à la connaître. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a des sagesses qui nous échappent, parfois, parce que notre cerveau, il est limité. C'est pour ça que, comme tu disais tantôt, la femme ne peut pas être chef d'État. La femme ne peut pas être juge. La femme ne peut pas être imam. La femme ne peut pas être, tu vois, il y a des postes, il y a des choses dans l'islam que la femme, elle n'a pas le droit de faire. Hein? Par exemple, être ministre, être juge, hein, tu vois, ici il y a des femmes musulmanes qui deviennent ministres. Elles sont contre la charia, il y a pas, c'est bien normal. Pourquoi elles sont contre la charia? Parce que la charia leur interdit d'être ministre. Non. Et non, mais attends, juste pour te donner un exemple, il y en a qui ont interdit, par exemple, il y en a qui disent, par exemple. Il y en a qui disent, par exemple, qu'ils allaient permettre aux femmes en tchador de se présenter dans les élections ou dans leur parti politique, ici au Québec. Et là, c'est là qu'il y en a une ministre, justement, qui est d'origine des pays du nord de l'Afrique, qui est marocaine, qui s'est énervée, puis là, commençait à dire, non, pourquoi il a dit ça, et ainsi de suite. Alors que déjà, dans l'islam, la femme... Même l'homme musulman n'a pas le droit de faire partie d'un parti politique. Ni un homme, ni une femme dans l'islam, on n'a pas le droit de rentrer dans un parti politique mécréant. Et même si c'est un parti politique musulman, c'est pas permis, parce que ce genre de parti-là, c'est haram. Hein? Ça, c'est de un. Deux, on n'a pas le droit de rentrer dans les élections. Hein? Parce que les élections, c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Déjà, donc deux, trois... la femme, elle n'a pas le droit d'être ministre, elle n'a pas le droit d'être députée, elle n'a pas le droit d'être Déjà, même un homme n'a pas le droit d'être dans ces trucs-là parce que c'est du tashri', c'est de la législation. Et la législation, c'est seul Allah qui a le droit de le faire. On a expliqué que la démocratie, c'est kufr, que c'est du shirk. Hein? Donc, attends, donc tout ça, c'est pour dire que toi, tu rentres dans tout ça, là. Donc, on est en train de montrer les exemples. Et après, tu t'énerves juste parce que tu dis que les femmes n'ont pas le droit. Quoi, les femmes qui auraient le tchadon, elles doivent rentrer. Déjà, c'est pas permis de rentrer là. Hein? Ça, c'est de un. Les femmes ont le droit de sortir de leur maison, mais pour une nécessité et avec les conditions, c'est-à-dire qu'elles soient couvertes de la tête aux pieds, qu'elles soient bien voilées et ainsi de suite. Mais pas n'importe comment, tu vois. Ouais, tu voulais parler de la. De, tu voulais. Ouais, tu voulais. Non, parce que là-bas, la femme, les ulama ont interdit, ont fait une fatwa pour interdire aux femmes de conduire en Arabie Saoudite. Et ça, c'est une décision qui a été prise par les ulama là-bas. Et ces ulama qui ont décidé ça, ils se sont basés sur des textes du Coran et de la Sunna. Pour arriver à cette conclusion puis à ce résultat-là, d'accord? Et un des principes qu'il mentionne pour justifier cette interdiction-là, c'est qu'est-ce qu'on appelle sadd al-zara'i'. Sadd al-zara'i', ça veut dire de fermer la porte au péché. Fermer la porte au péché. C'est-à-dire que quelque chose peut être permis en islam. Comme par exemple conduire une voiture pour une femme, c'est pas interdit. Les ulama, ils ont pas dit là-bas que conduire une voiture c'est haram, mais ils ont dit que ils laissent pas la femme conduire par rapport aux conséquences qui pourraient en découler dans la société, qui ramènerait la présence de beaucoup de péchés beaucoup plus grands par la suite. Et donc pour éviter certains péchés de se propager dans la société, ils ont émis cette fatwa pour interdire à la femme de conduire. Tu vois, et c'est dans Mimbab Sadd al-Zara'i', c'est dans le but d'interdire quelque chose qui pourrait amener à un péché. Tu vois. Et il y en a d'autres qui disent, ouais, mais dans ce cas-là, même, c'est pas mieux parce que les femmes, ils ont des chauffeurs, puis après, il peut se passer des péchés, comme des choses comme ça. Sauf qu'ils ont dit, oui, peut-être, mais c'est un mal qui est moindre par rapport à un mal plus grand. Et quand on a le choix entre deux péchés ou deux mâles, eh bien, on prend le moindre des deux. C'est ça la règle dans la charia. Non, un chauffeur privé. Oui, oui, c'est ça. Et qui les amène là où elles veulent aller. Parce que des fois, le mari, il n'a pas le temps d'amener la femme à l'école, d'amener la femme, d'amener la fille à l'école ou d'amener la femme au magasin ou d'aller faire des courses. Non, c'est pas comme ici, là. Et puis les gens là-bas, ils habitent, c'est-à-dire ils ont de l'argent, ils ont des chauffeurs, ça coûte rien. C'est-à-dire ça coûte presque rien par rapport à ici. Ici, avoir un chauffeur, ça coûte des milliers de dollars. Et puis qu'est-ce qui se passe? Elles peuvent rien faire. Ouais. Ouais. Ouais. Surtout que si c'est une femme qui est musulmane dans une société musulmane, et par exemple, elle va être sur la route. Et elle a une panne, et là, ou bien elle conduit puis elle fait une infraction, elle se fait arrêter par la police. Le policier doit lui demander sa carte. Yani, la femme peut s'en aller où elle veut, quand elle veut, à quelle heure elle veut. Et pense, c'est-à-dire, il faut se mettre dans le contexte de la société saoudienne, la société tribale saoudienne, qui est très très attachée à l'honneur. Et au respect, hein, de la famille, et qu'une femme déshonore la famille en faisant des actes ou des choses qui sont disgracieuses, des choses qui sont inappropriées, ça va faire des, il va y avoir des guerres, il va y avoir des meurtres, il va y avoir du sang en Arabie Saoudite. C'est pas juste une petite affaire là. Tu penses pas que c'est juste une fille là qui va se faire violer par un homme sur l'autoroute que ça va s'arrêter là? Non, c'est la tribu au complet qui va se mettre en guerre contre l'autre tribu de celui qui a fait ça. Mais c'est pas, je sais pas si tu peux comprendre. Non, mais c'est pas des petites histoires, c'est des choses graves. Ici là, le père il voit sa fille là, un gars il la prend, il l'amène, il fait qu'est-ce qu'il veut avec sa fille, il dit rien. Oui, il l'accueille même à la maison. Elle accueille son ami, il va dans la chambre avec elle, puis elle va rien, son père va rien dire. En Arabie Saoudite, t'es fou. Mais non, mais c'est des histoires là qui commencent des guerres. C'est pas des blagues. Et les koufars, les féministes, ils trouvent que ça c'est pas bon parce qu'ils disent ah mais la femme elle est pas un individu, elle a pas sa liberté individuelle, elle a pas ci et ça. Mais c'est parce que regardez quelle société ils ont créé ici où il y a plus de famille, il y a que les individus qui comptent. Et chaque individu il agit comme si personne l'avait mis au monde, et comme s'il est tout seul. Hein? Il a personne à qui il doit répondre. Ni ses parents, ni ses proches, ni personne. La fille, elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, elle n'a pas de soeur, elle n'a pas de frère, elle n'a personne. Elle vit comme si... Hein? Comme les animaux, là. Un oiseau, là, il a un œuf, et l'œuf, il commence à sortir. Il part avec ses ailes, puis il s'en va, puis il ne reviendra plus jamais dans son nid. Bon, c'est pas comme ça, mais je veux dire, sur le plan moral, personne ne s'inquiète de personne. Personne ne s'intéresse de personne. Hein? Et encore moins, si tu parles de tes frères et sœurs, c'est comme ça, imagine les cousins, cousines, c'est encore pire. Il n'y a pas de rien qui relie les gens les uns avec les autres ici. C'est chacun pour soi. Oui, il y a des gens, ils sont restés dans leur appartement après leur mort. Leur corps a eu le temps de pourrir, hein, pendant des semaines. Et c'est après qu'ils ont découvert que la personne était déjà morte dans son lit depuis des semaines là. Par hasard, ils ont trouvé une odeur qui les a dérangés, alors ils sont venus frapper. Donc, ok, le hadith, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il y a pas quelqu'un qui commet l'adultère, il n'est pas croyant au moment où il le fait. Et celui qui vole, la même chose. Et celui qui boit de l'alcool, la même chose, et ainsi de suite. Et le chef, il dit, ça c'est la preuve que la foi, elle diminue. En commettant ces péchés-là et en faisant ces fautes-là. Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Barawi? L'imam al-Barawi, il explique ça, il dit قال al-Barawi وقيل معناه نقصان الإيمان يريد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن متكمل الإيمان بل هو قبل أن يقدم على الفجور وبعدما نزع منه وتاب أكمل إيمانا منه حالة اشتغاله بالفجور وهو كقوله لا إيمان لمن لا أمانة له يريد لا إيمان له كاملا والله أعلم. Donc il explique, le cheikh, que l'imam al-Baghawi, il a expliqué cette signification là. On parle ici de faiblesse de la foi, c'est-à-dire que lorsque la personne fait l'adultère, eh bien il n'est pas croyant avec une foi complète. C'est ça que ça veut dire. Donc, lorsqu'il fait le péché, il n'est pas un croyant ayant une foi qui est complète. Sa foi, elle est déficiente. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus croyant du tout, que quand il boit de l'alcool, il devient mécréant, quand il fait le zina, il devient mécréant, ou quand il vole, il devient mécréant. Non, ça veut dire qu'il n'est pas croyant ayant une foi complète. Hein? Oui. Non, j'ai dit celui, il n'est pas croyant. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. C'est vrai, mais la compréhension du hadith Et c'est ça la différence ici entre qu'est-ce qui est écrit, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dis quand tu lis le hadith, qu'est-ce que tu comprends, mais qu'est-ce que tu comprends par rapport au contexte des autres hadiths et des autres textes qui expliquent ce hadith-là. Et c'est comme ça, c'est pour ça que les ulama ils l'ont interprété et expliqué de cette façon-là. Pourquoi? Parce que tu dis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ça veut dire au moment où la personne fait le zina, eh bien le zani il n'est pas mu'min. Est-ce que ça veut dire qu'il est kafir et qu'il sort complètement de la foi? S'il meurt là, il est kafir. D'accord. Ça c'est ce que tu dis. Maintenant, regardons d'autres hadiths dans ce sens-là. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. C'est-à-dire, nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il a aimé pour lui-même. Est-ce que toute personne qui n'a pas aimé pour son frère ce qu'il a aimé pour lui-même, automatiquement, il quitte l'islam parce qu'il n'est plus croyant? Donc, dans ce cas-là, ça dit, il faudrait, tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Non, ça c'est un exemple. Mais oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis, il faut ramener tous les textes ensemble. C'est pas seulement un seul hadith que tu prends et que tu essaies de le comprendre tout seul. Tu comprends? Il faut comprendre les hadiths dans un ensemble. Et c'est ça la distinction et la différence entre la voix d'Ahle Sunnah wal Jama'a et la compréhension des salafs et les voix des gens des bid'a et des sectes. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils ont dévié. Ils prennent un hadith et ils le comprennent littéralement sans le ramener aux autres textes et ils essaient de le comprendre à leur façon. Et après, qu'est-ce qui arrive? Il tombe dans l'extrémisme parce qu'il dit, ah ben, selon ce hadith-là, si tu fais le zina, t'es plus croyant, donc t'es mécréant, donc ça veut dire que ton sang et tes biens sont halal, on peut te couper la tête. Tu comprends? C'est ça. Tu dis, le hadith est clair. Mais non, c'est pas comme tu l'as compris. Il faut. Les ulama, ils ont dit, tout sujet dans l'islam, dans la aqidah ou dans d'autres domaines, on ne doit pas les prendre tout seul. On prend les hadiths qui parlent d'un sujet, on les met tous ensemble. Et on les lit, et là on comprend les choses telles qu'elles, comment elles s'entrelacent entre elles, comment une vient clarifier l'autre, un point vient expliquer l'autre point. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la iman liman la amanata lah, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'amana, c'est-à-dire celui à qui tu ne peux pas faire confiance, il n'est pas honnête, eh bien il n'a pas de foi. Est-ce que ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, agit une fois ou quelques fois par malhonnêteté, automatiquement il quitte l'islam, devient kafir? Tu vois, mais c'est pas ça la signification. Tu vois? Oui, c'est ça. Donc, il y a un autre exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans des hadiths comme « Man ata mra'atahu fi duburiha faqad kafar ». Ça, c'est un exemple où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a un rapport sexuel avec sa femme par l'anus, il devient mécréant, kafar. » Est-ce que les ulama ont compris de ça que ça veut dire qu'il sort de l'islam s'il fait ça? Alors que on sait que si quelqu'un fait le zina par exemple avec une femme, il va être lapidé, mais après qu'on l'ait lapidé, il est enterré dans le cimetière des musulmans et on fait la prière sur lui. Il est considéré comme un croyant, un musulman. Il ne devient pas mécréant parce que il a commis l'adultère parce qu'on l'a lapidé. La même chose pour le voleur à qui on a coupé la main. On lui coupe la main, mais après, s'il meurt, il meurt dans le cimetière des musulmans et on prie sur lui. Et la même chose pour Yanni, les gens qui ont mérité. Oui, quelqu'un qui a commis un viol, à qui on a tranché la tête, eh bien, il va être enterré dans le cimetière des musulmans. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, le fait que quelqu'un ait commis un grand péché, les salafs, les sahabas, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait sur ces gens-là, et il les considérait comme des croyants. La femme qu'on appelle Al-Ramidiyya, celle qui est venue voir le professeur Sam, qui s'est elle-même dénoncée, qu'elle a dit oui, j'ai commis l'adultère. quand les sahabes ont commencé à la lapider, hein? Ben, il y a la femme qui est venue avec l'enfant. Elle a dit, j'ai commis l'adultère. Au début, elle était enceinte. Il a dit, reviens quand tu auras accouché. Elle est revenue. Il a dit, elle est venue avec le bébé. Il a dit, reviens quand l'enfant va pouvoir manger tout seul. Hein? Donc, elle est revenue avec le bébé qui avait du pain dans sa bouche. C'est-à-dire, il mangeait. Et là, il a compris que, ça y est, maintenant, l'enfant peut manger. Alors, le prophète l'a fait lapider. Et après, il y en a un qui a voulu la maudire. Il y en a un qui a voulu la maudire. Et le prophète, il a dit, ne la maudis pas. Parce qu'elle elle s'est repentie d'une repentance que si on aurait distribué cette repentance sur les habitants de Médine, ça leur aurait suffi. C'est pour dire que... Oui, c'est pour dire que elle n'était pas devenue mécréante parce qu'elle avait commis la fornication ou l'adultère. D'accord? Hein, ou l'adultère. Donc c'est l'adultère dans ce cas-là parce que elle avait été lapidée. Donc c'est pour dire que les grands péchés ne font pas sortir de l'islam. Hein? Et la preuve aussi, c'est la preuve qu'il ne faut pas comprendre le texte juste par un texte que tu veux comprendre. Tu prends le texte puis tu dis, ah ça y est, le prophète a dit ça, donc ça y est. Non, c'est pas comme ça que les salafs ont compris du tout. Donc l'imam al-Bahawi dit, il n'est pas croyant avec une foi complète. C'est ça que ça veut dire. Donc quand il est arrivé, comme il s'est avancé pour faire ce péché-là, hein, eh bien, au moment après il l'a commis, sa foi elle est descendue, devenue faible. Hein, puis, quand il s'est repenti par la suite, ou il a cessé de le faire ce péché-là, sa foi elle remonte. Ça ne veut pas dire qu'il perd complètement la foi. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette parole-là. Et ça, c'est pour éviter de tomber dans l'exagération et l'extrémisme des Khawarij et des Mu'tazila, et aussi pour ne pas tomber dans l'égarement de ceux qu'on appelle les Murji'a, qui eux disent, peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, c'est pas grave. Ta foi va toujours être correcte. Hein? Ta foi va toujours être complète. Hein? Donc, eux, ils vont dire, par exemple... tu vois des gens qui font pas la prière, qui boivent de l'alcool, et quand tu leur dis, ya akhi, ça c'est haram, pourquoi tu fais ça, hein, ils te disent, ah mais la foi c'est dans le cœur, mon frère, la foi c'est dans le cœur. En voulant dire quoi? En voulant dire, ma foi elle est quand même forte dans mon cœur, même si tu me vois faire ces péchés là, c'est pas grave, c'est pas ça qui affecte ma foi, je suis toujours un croyant quand même. Comme si, comme il y a beaucoup de soufis qui pensent ça, ces croyances-là, de ces idées-là, et même des Asha'ira et des Maturidiyya, et des gens en commun parmi les ignorants, des gens qui disent ces paroles-là. Tu les vois faire les pires péchés, commettre les pires fautes, et s'écarter des obligations islamiques, et puis ils disent, ouais, non, la foi c'est dans le cœur, mon frère. Donc c'est ça. Donc maintenant vous comprenez la signification, hein, Inch'Allah. J'ai vu la nuance. Ok. La signification, ben, comme quoi par exemple, donne un peu. Oui, ben c'est la même chose. C'est ça. C'est-à-dire. C'est ça. Non. Même si. Ben tu vois, même si. Ouais. Ben, je te donne encore. Là, je t'ai donné l'exemple. Là, je t'ai donné l'exemple aussi. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est la façon dont je t'ai dit, c'est que au moment où il commet l'acte, le péché, sa foi n'est pas complète. Sa foi est faible, oui, sa foi est diminuée, c'est ça que ça veut dire. Alors, pas par la négation ici. Tu as perdu la foi. Mais c'est pour montrer que C'est pour montrer, oui, c'est pour montrer que la foi, elle est devenue faible. C'est comme une façon de s'exprimer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour montrer. En fait, non, c'est pas ça, c'est que tu peux pas le comprendre juste par rapport à ce texte-là tout seul. Je t'ai donné l'exemple de Al-Ramidiyya quand elle s'est fait lapider, et pourtant elle a été lavée, on a prié sur elle. Et je t'ai donné l'exemple aussi qu'il y a des principes dans la charia. Déjà avant ça, juste parmi les arguments et les preuves que les ulama, les salafs ont mentionné pour supporter le principe, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, c'est-à-dire Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, mais tout autre péché qui est moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Donc ça veut dire que est-ce que le zina c'est shirk? Non. Hein? Est-ce que le fait de voler c'est shirk? Non. Est-ce que le fait de tuer c'est shirk? Non. Ça veut dire que c'est moindre que le shirk, donc si tu meurs sur ce péché-là, eh bien, ça ne fait pas partie des choses que Allah ne pardonne pas. Et donc, ça fait partie des kaba'ir. Donc, ça veut dire que si quelqu'un meurt sur ces péchés-là, il ne va pas nécessairement être mécréant ou en dehors de l'islam. La seule chose que les ulama ont mentionnée par rapport à ces péchés-là, que si quelqu'un les rend licites, les nie avec science et connaissance et qu'il dit ces choses-là sont halal, là tu sors de la foi, là tu quittes l'islam. Mais si quelqu'un les a fait en reconnaissant leur interdiction puis qu'il a commis ces péchés-là, et là il reste toujours un croyant, tu comprends, il reste toujours un croyant, sauf que sa foi elle est diminuée. Et les ulama ils vont dire mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi, c'est-à-dire il est croyant par rapport à sa foi, mais il est pécheur et pervers par rapport à son grand péché. D'accord? Mais il ne sort pas de l'islam à cause de ça. Donc tout ça, c'est des principes et des règles. Mais les Khawarij, eux, non. Ils prennent ces hadiths-là, c'est un verset, un hadith hors de contexte, et ils se basent sur ça, puis ils disent, ça y est, celui qui fait le zina, il est kafir parce que le prophète sallam a dit ça. Alors que ce n'est pas ça qu'il a dit. Un autre exemple aussi, c'est le hadith de la Shafa'a. Hein. Hadith de la Shafa'a, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne que toute personne qui a une atome de foi va sortir de l'enfer parmi les gens des kaba'ir. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire sortir de l'enfer par son intercession. Hein? Donc, tout ça, c'est des exemples et des preuves qui montrent que la personne qui a commis des grands péchés, qui meurt sur ces grands péchés-là, eh bien, il n'est pas en dehors de la foi. C'est quoi le hadith qui est rapporté? Je pense que c'était selon Abu Zar, hein, dans lequel le prophète a dit à, justement, Abu Zar, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a dit, c'est-à-dire le prophète a dit toute personne qui dit la ilaha illallah, hein, il va rentrer au paradis, hein, ou quelque chose dans ce sens là et là Abu Zar était étonné, il a dit wa in zana wa in saraq, c'est-à-dire même s'il fait le zina, même s'il vole, il a dit, et le prophète a répété, il dit même s'il fait le zina, même s'il vole. Et Abu Zar, une deuxième fois, il dit, وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقْ. Il dit, même s'il fait le zina, même s'il vole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقْ. Même s'il fait le zina, même s'il vole. Il a dit une troisième fois, وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Même s'il fait le zina, même s'il vole, au message d'Allah. Il dit, وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقْ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرْ. Il a dit, et même s'il fait le zina, même s'il vole, et que le nez de Abu Dhar soit mis dans la poussière. C'est une expression que les Arabes disaient, que ça te plaise ou non, yani, il va être pardonné, c'est-à-dire il va être au paradis. Tôt ou tard. C'est-à-dire que soit il va rentrer directement, parce que Allah va lui faire miséricorde, il va le pardonner, il va le faire rentrer direct au paradis, ou soit que il va aller en enfer un certain temps, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, puis que par la suite, il va sortir de l'enfer pour entrer au paradis, pour rester au paradis pour l'éternité, par la suite, avec les croyants. Tu comprends? Donc c'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre, de bien connaître le tawhid et de bien comprendre, de bien connaître la aqida d'Ahl-Sunnah al-Jama'a pour éviter de tomber dans l'extrémisme et les exagérations et les égarements des groupes qui ont dévié dans ces questions-là. Hein? Parce que c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui, des jeunes qui n'ont pas compris leur aqida comme il faut et qui deviennent des takfiriyin, des khawarij, des gens qui sont dans l'égarement. Et malheureusement, les groupes de Hizbiya, les groupes politiques islamiques soi-disant, ils ne parlent pas de ces choses-là, ils n'éduquent pas les jeunes sur ces bases-là, et c'est pour ça que par la suite les jeunes deviennent hein, par la suite des égarés malheureusement à cause de ça. Après le cheikh il dit وافترقت المعتزلة والخوارج الذين عرفوا الإيمان بما رأيت وسمعت في حكم مرتكب الكبيرة فقالت المعتزلة مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين أي بين الإسلام والكفر فلا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا وقالت الخوارج في مرتكب الكبيرة إنه كافر حلال الدم والمال والعرض في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة. Donc le cheikh il dit que les Mu'tazila et les Khawarij, ils ont donné une même définition de la foi, c'est-à-dire ils ont été d'accord entre eux sur la définition de la foi, mais dans le verdict qui a rapport avec qu'est-ce qui se passe avec eux dans l'au-delà, ils se sont divisés. C'est-à-dire dans cette vie ils ont dit celui qui fait le grand péché, les Khawarij ont dit c'est un kafir. Les Khawarij, ils ont dit, sont un kafir. Mais ils ont donné la même définition de la foi. Ils ont dit, la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, une pratique avec le corps, ou des actions avec le corps. Sauf qu'ils ont dit, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Hein? Donc ils ont les deux, les Mu'tazila et les Khawarij, la même définition de la foi. Et cette définition, elle est erronée, on a dit, parce que la foi, elle augmente par les bonnes œuvres, elle diminue par les péchés. Eux, ils ont dévié sur ça. Donc, ils ont la même base, mais ils ont des différences entre les deux dans leur compréhension de ce que ça implique, ça. Les Mu'tazila, eux, ils ont dit que... Donc, les Khawarij, j'ai dit, ils disent que celui qui fait des grands péchés devient kafir dans cette dunya, mécréant. Et dans l'au-delà, il est dans l'enfer pour l'éternité. Tandis que les Mu'tazila, eux, ils ont dit non, dans la dunya, celui qui fait des grands péchés, il n'est pas croyant, il n'est pas mécréant. Il est un niveau entre les deux, un état entre les deux. Il n'est ni croyant, ni mécréant. Donc ça c'est une bid'a qu'ils ont inventée, ça n'existait pas avant. Hein? C'est Wasil ibn Atta qui a inventé ça. Le premier parmi les Mu'tazila, celui qui s'est écarté du cours de Al-Hassan al-Basri. Hein? Barakallahu fik. Hein? Donc, on l'a appelé Mu'tazil parce que i'tazala. Il s'est écarté du dars de Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, c'est un des grands parmi les premiers hein, savants de l'islam, parmi les tabi'in. Un élève des sahaba. Il a étudié sa aqida et son manhaj et son islam, son fiqh et tous les aspects de la religion. Il a étudié avec qui? Avec les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quelqu'un parmi les grands. Il lui donnait des cours sur la foi, sur l'islam, sur tous les aspects de la religion. Et Wasil ibn Atta faisait partie de ses élèves. Mais Wasil ibn Atta, il a dévié sur certaines questions. Et il a contredit Al-Hassan al-Basri et l'aqida des salafs. Alors, étant donné qu'il n'était pas d'accord avec Al-Hassan al-Basri, il a voulu s'écarter dans la mosquée. Il a fait son propre dars. Fait sa propre aqida. La même mosquée s'est écartée. Et c'est pour ça qu'on les a appelés Al-Mu'tazila, ceux qui se sont écartés. Et vous imaginez, s'écarter de Al-Hassan al-Basri, c'est de l'égarement. T'as l'air fatigué, Akhi. Ça va? T'as pas l'air. T'as la grippe? Il a l'air comme. Grippe. T'as l'air fatigué. Taïb, frère, Inch'Allah. Donc, c'est ça. Donc, Mais dans l'au-delà, qu'est-ce qui arrive pour les Mu'tazila? Celui qui fait des grands péchés, c'est quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Ils ont dit qu'il quitte complètement la foi. Devient mécréant, c'est-à-dire il va être dans l'enfer pour l'éternité. Dans l'au-delà, les Mu'tazila disent qu'il va être dans l'enfer pour l'éternité. C'est-à-dire comme les Khawarij. Ils prennent la même position que les Khawarij pour qu'est-ce qui arrive après. Ok? Et les Khawarij, eux, c'est ça, la même chose. Ils disent que celui qui fait des grands péchés devient kafir, son sang est halal, ses biens sont halal, son honneur est halal dans la dunya, puis dans l'enfer, il va être pour l'éternité. Dans l'au-delà, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Le Cheikh dit هذا قول على الله بدون علم ما لم تكن الكبيرة شركا أكبر أو كفرا أكبر أو نفاقا اعتقاديا فالمعتزلة توافق الخوارج في الحكم الأخروي وهو أن مرتكب الكبيرة وإن كان موحدا فإنه خالد مخلد في النار إذا مات ولم يتب وهذا الحكم الجائر ترده نصوص الكتاب والسنة التي تقتضي بأن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله قائما بحقها علما وعملا دخل الجنة وإن عذبه الله تبارك وتعالى بقدر ما جنى من كبائر الذنوب إلا أن مآله إلى الجنة ولا شك في ذلك ولا ريب. Donc le cheikh il explique que ça c'est une position qui est basée sur l'absence de connaissance ou le fait de parler à propos d'Allah sans science. Et parce que tant que quelqu'un n'a pas commis un grand péché, c'est-à-dire dans le sens qu'il a commis une forme de shirk akbar, forme de shirk majeur, ou de kuf majeur, ou de nifaq, d'hypocrisie de la croyance, nifaq majeur, il ne sort pas de l'islam. Qu'est-ce qui fait sortir de l'islam? C'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait un kuf majeur, ou un shirk majeur, ou un nifaq majeur. Dans ce cas-là, il sort de l'islam. Mais sinon, il fait des grands péchés, il ne sort pas de l'islam. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il y en a des fois qui ne font pas la distinction aussi parmi les khawarij entre qu'est-ce qui est un kuf akbar et un kuf asrar. Donc par exemple, quand il y a quelqu'un qui va faire une forme de kuf asrar, un kuf mineur, ou un shirk mineur, ou un nifaq asrar, un nifaq mineur, eux ils vont en faire un kuf ou un shirk ou un nifaq majeur. Ils vont pas distinguer entre qu'est-ce qui est mineur et majeur. Comme par exemple le fait de juger par autre que la loi d'Allah. Par exemple. Parmi les dirigeants, parmi les juges, parmi les gens en général, des fois il y en a qui jugent par autre que la loi d'Allah, soit à cause de leur passion, à cause de leur désir, ou des choses comme ça. Et ça, les ulama, depuis les salafs, comme Abdullah ibn Abbas et d'autres, ils ont dit, celui qui juge par autre que la loi d'Allah pour ses passions, ou parce qu'il suit ses désirs, ou parce qu'il a une faiblesse dans sa foi, ou des choses comme ça, tant qu'il reconnaît que c'est un péché, qu'il n'a pas le droit de faire ça, il reste toujours un croyant. Et que le verset qui dit que celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait révéler, ceux-là sont des mécréants, que ça c'est par rapport à ceux qui ont, soit qu'ils l'ont rendu halal, ou soit qu'ils l'ont mis à égalité avec la loi d'Allah, ou soit parce qu'ils l'ont mis au-dessus de la loi d'Allah. Ils ont jugé par autre que la loi d'Allah en mettant ça au-dessus de la loi d'Allah ou à égalité avec la loi d'Allah ou qu'ils l'ont rendu halal. Et que dans ce cas-là, ça c'est quelque chose qui est kufr akbar majeur qui fait sortir de l'islam. Mais si c'est quelqu'un qui reconnaît que c'est haram, puis qui le fait, mais qui le fait par faiblesse ou par un péché, donc dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam. Mais les Khawarij ne font pas cette distinction entre qu'est-ce qui est majeur et mineur, et ils considèrent que tout jugement par autre que la loi d'Allah fait sortir complètement de la religion de l'islam. Donc ils agissent comme les Khawarij, et à la fin ils font le takfir de tous les dirigeants et de tous les présidents ou gouverneurs musulmans, sans exception. en se basant sur cet élément-là. Donc ça, c'est pour dire que celui qui ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est un kufr akbar et un kufr asrar, ou un shirk akbar et un shirk asrar, eh bien, il rentre dans la voie des khawarij par la suite. C'est très dangereux. C'est pour ça que c'est important d'apprendre le tawhid, de l'étudier comme il faut, et d'étudier la aqidah. Sinon, tu risques de t'égarer. Et après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que, donc, les Mu'tazila et les Khawarij se sont mis d'accord dans le verdict de l'au-delà. Ils ont tous les deux dit que celui qui fait un grand péché, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Et que celui qui fait un grand péché, même s'il était sur le tawhid, hein, c'est grave. Ils ont dit que celui qui fait un grand péché, même s'il était sur le tawhid, il est mort sur le tawhid, il est en enfer pour l'éternité. S'il est mort sans se repentir, c'est grave. Hein? Ça veut dire que, en fait, c'est comme s'ils étaient en train de mettre les péchés au même degré que le shirk, puis le kufr. Hein? Puis qu'il y en a comme si pour eux, celui qui vole et celui qui fait le shirk, pour eux, c'est la même chose. Yani, subhanallah. Donc c'est pour ça que ces gens-là, ils n'ont pas de respect pour le tawhid après. Parce que déjà pour eux, yani, tout le shirk et les péchés, c'est la même chose. Donc ils n'ont pas de respect pour le tawhid, ils n'ont pas de respect. Mais pourquoi tu veux te concentrer sur le tawhid? Le tawhid, on peut l'apprendre en 5 minutes. Hein? Apprendre le tawhid en 5 minutes, le fiqh en 5 minutes, le tafsir en 5 minutes. Hein? En 30 minutes, tu deviens savant. Comme Cheikh Al-Fawzan, il a dit ça. Hein? Donc c'est ça la réalité, Allah Musta'an. Après, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Que ça, c'est un verdict qui est basé sur l'injustice et qui est rejeté par les textes du Coran et de la Sunna, qui implique que celui qui meurt alors qu'il sait que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et qu'il a respecté les droits de ce témoignage de la ilaha illallah avec connaissance et en application, qu'il va rentrer au paradis, et que même si par exemple il a commis des péchés, Allah le punit pour ces péchés-là selon la gravité ou la quantité des péchés qu'il a fait parmi les grands péchés, mais sa destination finale sera quand même le paradis. Ça, il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Ça, c'est la aqidah d'Ahl Sunnah. Cheikh dit هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة حيث جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد. Donc ça, c'est la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, parce que les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont rassemblé les textes de la menace et de la promesse, la menace du châtiment de l'enfer et la promesse de la récompense du paradis, et on les a mis ensemble. On les a réunis ensemble. C'est pas comme les Khawarij, eux, ils prennent que les textes qui parlent de la menace de l'enfer et ils mettent de côté la promesse du paradis et ils ne regardent pas ça. Ils regardent que la menace. Donc ils n'adorent qu'avec la crainte. Hein? Et les autres, les Murji'a, c'est le contraire. Ils ont mis de côté les textes qui parlent de la promesse de la menace de l'enfer, ils prennent que les textes qui parlent de la promesse du paradis. Ils adorent Allah juste par l'espoir et l'amour. Et donc, ils tombent dans un autre extrême. Et les gens d'Ahl Sunnah, ils ramènent les textes ensemble. Et tu regardes même toi-même si tu lis les textes du Coran. À chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le paradis, il mentionne tout de suite après l'enfer. Ou s'il commence par l'enfer, il mentionne tout de suite après le paradis. C'est pour que le croyant reste toujours dans l'équilibre entre la foi en la promesse et la crainte de la menace, pour qu'il y ait l'équilibre. Le cheikh, il dit وَعَرَفَ بَعْضَ الْفُقَهَا عَرَفَ بَعْضَ الْفُقَهَا الْإِمَامِ بِأَنَّهُ اعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَاخْتَزَلُوا الرُّكْنَ الثَّالِثِ وَهُوَ الْعَمَلِ لم يدخلوه في مسمى الإيمان مع اتفاقهم مع أهل السنة والجماعة على أن أهل الكبائر متوعدون بالنار وأن المكلفين مجزيون على أعمالهم خيرها وشرها وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. Donc le cheikh il dit qu'il y a un autre groupe aussi qu'on n'a pas mentionné jusqu'à maintenant, mais qui a aussi des déviations dans la foi, c'est le groupe des ce qu'on appelle Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha, c'est ceux qui ont dit par exemple que la croyance c'est uniquement une croyance que la foi c'est uniquement une croyance du cœur et une parole de la langue. Hein? Ils suivent la voie des Murji'a. Mais par contre eux ils ont dit que ils ont dévié sur la troisième partie, c'est l'action. Ils n'ont pas inclus l'action dans la définition de la foi, mais ils ont été d'accord avec Ahlus Sunnah wal Jama'a pour dire que les gens qui font des grands péchés sont menacés de l'enfer, hein, et que ils sont responsables de leurs œuvres et ils seront récompensés pour leurs actions qu'ils ont faites et rétribués selon que leurs actions sont bonnes ou mauvaises, et on a déjà indiqué quelque chose à ce sujet-là. Donc c'est pour dire que ça c'est ce qu'on appelle les murji'atul fuqaha. C'est parmi les murji'a, ce sont ceux qui sont les plus près de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Toutefois, ils sont quand même des gens de bid'a à cause de cet égarement-là qu'ils ont par rapport à leur erreur qu'ils ont dans la définition de la foi. La plupart d'entre eux, c'est ceux qu'on appelle les ahnaf. Ahnaf et les maturidiyya et les asha'ira, ces catégories là eux aussi ils ont la bid'a des murji'a. Donc souvent les ulama ils mentionnent, donc pour dire que dans l'ordre dans lequel on a mentionné les différentes sectes, c'est pour dire que ils ont tous des déviations dans la définition de la foi, puis aussi c'est par degré de gravité de sévérité dans leur égarement. Les Jahmiyyah sont les plus extrémistes, hein, parce qu'eux ils disent la foi c'est juste la connaissance, tandis que les autres sont, il y a des degrés différents par rapport à leur déviation par rapport à la foi. Le cheikh il dit ensuite وَبِهَذَا الْعَرَضْ يَظْهَرُ جَلِيًّا بُطْلَانَ تَعْرِفَ الطَّوَائِفَ الَّتِي عرفت الإيمان بتعريفات خاطئة ناقصة على اختلاف مراتبهم قربا وبعدا من الصواب. C'est exactement ce que je viens juste de dire. Donc, qu'est-ce que le cheikh il a dit, qu'est-ce que je l'ai lu là, c'est qu'est-ce que je venais de dire auparavant. Le cheikh dit وظهر جليا التعريف الحق للإيمان الذي نحن بصدد شرحه بصدد شرح أركانه وهو تعريف أهل السنة والجماعة له بأنه قول باللسان كالنطق بالشهادتين والنطق بالإيمان ويدخل في ذلك جميع الإقرار بالواجبات والفرائض وجميع أنواع الذكر الواجب والمستحب وأن الإيمان اعتقاد بالقلب لأن الحق ما نطق به اللسان واتفق معه القلب وعملت به الجوارح مما جاء به من أنزل عليه الفرقان وأنه يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والأدلة على ذلك قائمة كما مضى معنا قريبا والله أعلم وأحكم شرع المؤلف رحمه الله في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين التي هي مرتبة الإيمان وذكر بأنه شعب متعددة حيث قال إلى آخره. Donc le cheikh il explique, on va terminer avec ça. Le cheikh il explique que on a vu clairement la définition véridique de la foi, celle qui est vraie, c'est la définition de Ahlus Sunnah wal Jama'a que nous allons maintenant expliquer, et on va mentionner ces différents piliers. Il dit que la définition d'Ahlus Sunnah wal Jama'a de la foi, c'est que la foi c'est une parole avec la langue. Une parole avec la langue, comme par exemple le fait de prononcer les deux témoignages, Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et aussi de prononcer des paroles, de parler de la foi, des choses de ce genre, hein, de mentionner des choses qui ont rapport avec la foi. Tout ça, ça rentre dans la notre bellissane, la parole avec la langue. Aussi le fait de déclarer et d'affirmer les obligations et toutes les différentes formes de dhikr qu'on fait qui sont obligatoires ou recommandées. Tout ça, ça rentre dans qu'est-ce que tu fais comme action de la foi avec ta langue. Et il y a aussi la foi avec le cœur, la foi avec le cœur, la croyance du cœur. Ça aussi, ça rentre dans la définition de la foi. Et c'est toutes les différentes aqidas, les différentes formes de foi et les actions du cœur. Donc tout ça, ça a rapport avec la foi, la définition de la foi et la réalité de la foi. Il dit, parce que la vérité, c'est ce que tu mentionnes avec ta langue et qui est en accord avec ce que tu as dans ton cœur et que tu as mis en application avec tes membres, avec ton corps, comme cela est venu et a été mentionné par celui sur qui le Furqan a été révélé, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la foi, elle augmente et qu'elle diminue. Elle augmente par les bonnes œuvres et elle diminue par les péchés. Et les preuves à ce sujet-là sont bien établies, comme nous l'avons vu, comme nous venons de le voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant et plus sage. Et ensuite, le cheikh, il mentionne que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il commence à expliquer le deuxième pilier. Le deuxième degré parmi les degrés de la religion, c'est-à-dire le degré de la foi, en expliquant les différentes branches de la foi. Donc on va s'arrêter donc ici et on continuera au prochain cours, inshallah. Wafik barak. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.